إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي وفقنا ويسر لنا هذه الكلمة، فنسأله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، كما نسأل الله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، فنواصل قراءتنا ودراستنا في كتاب التوحيد الإمام محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى. Donc on va continuer, Inch'Allah, sur l'étude du livre de l'unicité de l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Donc la fois dernière, on avait quasiment terminé, dans la dernière allocution, l'étude et l'explication de l'invocation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se réveilla la nuit, pour prier que nous rapporte le compagnon célèbre, Abdallah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu. Donc on a dit que c'était une invocation qui était immense, hein, une invocation qui rassemble des enseignements riches, et inestimable. C'est pour cela qu'on a dit que celui qui étudie cette invocation, eh ben, il va tirer des enseignements de cette invocation qui sont bénéfiques et utiles, que ce soit des enseignements liés à la croyance du musulman, ou bien à l'unicité, que ce soit lié à l'unicité de la Seigneurie d'une manière plus spécifique, ou bien de l'adoration, de la divinité, ou bien même des noms et des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans la dernière discussion hier, on a terminé en disant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir fait ses louanges d'Allah, et après avoir fait l'éloge d'Allah, subhanahu wa ta'ala, après avoir invoqué Allah, jalla wa ala, de cette manière, comme on l'a appris à travers toute l'étude de cette invocation, alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ensuite a fait sa demande. Et on a dit donc la demande du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'absolution et le pardon de ses fautes. Mais on a appris que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas invoqué, imploré de n'importe quelle manière. Le prophète vraiment s'est approfondi, s'est vraiment étendu dans sa demande. Et de ce fait, il a demandé à Allah, jalla wa ala, de lui pardonner aussi bien les péchés passé, antérieur, que futur, que fait d'une manière secrète ou bien fait en public. Et on a dit que ça, c'était une manière pertinente pour implorer l'absolution des péchés, pour invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est vraiment étendu dans la demande, s'est vraiment approfondi. Et ça fait partie de son éloquence. Et aussi, on avait appris à travers l'étude de l'explication du commentaire, à travers l'étude du commentaire, qu'il y a des raisons pour lesquelles dans les invocations, il est bon de s'approfondir, il est bon de détailler nos demandes, le fait de demander et d'insister dans notre demande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait vu pour cela différentes causes qui font qu'il est bon d'invoquer Allah jalla wa ala de cette manière, et ça, on avait appris cela dans la dernière allocution, du fait qu'on soit en adoration et autres parmi les causes qu'on a mentionnées dans la dernière assise. Et de ce fait, on voit qu'ensuite le prophète sallam a terminé. Donc ensuite le prophète sallam va conclure après qu'il ait demandé à Allah jalla wa ala de lui pardonner ses fautes. Ensuite le prophète sallam va conclure avec sa parole d'une manière remarquable en disant Allahumma yani anta ilahi la ilaha li ghayruk. Ô Seigneur, tu es ma divinité, yani mon adoré, mon Seigneur, mon adoré. La ilaha li ghayruk. Et je n'ai point de divinité en dehors de toi. Je n'ai point d'adoré en dehors de toi. Et regardez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va conclure Avec at-tawhid al-ubudiyya, avec le tawhid, l'unicité de l'adoration et de la divinité. C'est pour cela que l'auteur du commentaire, Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Athaymin, va bien insister et préciser ce point-là lorsqu'il va dire dans son commentaire, regardez, remarquez bien. Et donc vous avez vu, hein, ensuite, Cheikh al-Athaymin, il va vraiment s'étendre dans l'explication de l'invocation du prophète sallam de sa demande de pardon, il va s'étendre. Moi, j'ai résumé d'une manière brève et concise l'explication de Cheikh Ibn Athaymine, de l'auteur du commentaire, pour qu'on puisse avancer et passer au chapitre suivant. Mais ceux qui veulent revenir vraiment plus de détails, qui veulent revenir vraiment aux détails et aux différentes questions que va évoquer Cheikh Ibn Athaymine, je vous réfère à continuer et à lire son explication. Donc nous, on a résumé, hein, on a résumé pour pouvoir passer à l'étude d'un autre chapitre, Inch'Allah. En d'autres termes, d'une manière claire, pour simplifier et résumer, à la fin de son commentaire, Cheikh Ibn Athaymine nous explique la manière dont a conclu le prophète sallam son invocation, lorsqu'il dit Anta ilahi la ilaha li ghayruk, tu es certes mon Seigneur, je n'ai point de divinité à part toi. Faqala al-Sheikh khatamaha bil-uluhiyya. Khatamaha bil-uluhiyya li'annaha hiya allati ursilat min ajliha ar-rusul wa unzilat al-kutub wa unzilat al-kutub. Anta ilahi la ilaha li ghayruk, ay la ma'buda haqqun li ghayruk billahi, ya Allah, ya Allah. Et là, l'auteur du commentaire, Cheikh Al-Athaymine, nous dit donc le prophète sallam a conclu donc son invocation bil uluhiyya. Et ça, c'est vraiment remarquable. Li annaha hiya allati ursilat min ajliha ar-rusul. Pourquoi? Parce que parmi les choses pour lesquelles Allah Jalla wa Ala a envoyé les prophètes et les messagers, c'est pour enseigner aux gens et à leur peuple la manière d'adorer Allah et de les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, de les appeler à l'adoration d'Allah si vous voulez. Et de ce fait, Allah Jalla wa Ala a donc envoyé des prophètes et des messagers pour les appeler, pour appeler les peuples à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ce qu'on appelle uluhiyya, l'unicité de l'adoration. Et aussi Allah Jalla wa Ala a fait descendre des livres, pour cela il dit wa unzilatil kutub. Et des livres, Allah Jalla wa Ala a fait descendre des livres pour que les gens reviennent à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'une manière très remarquable, le prophète sallam donc conclut cette invocation en disant Anta ilahi, tu es certes mon Seigneur, mon adoré, ma divinité, la ilaha li ghayruk, et je n'ai point de divinité à part toi. Et le sens de cela, on peut définir cela avec cette définition-là qu'a donné l'auteur du commentaire en disant La ma'bouda haqqun li ghayruka ya Allah. On pourrait définir de la sorte en disant la marboud, donc le sens de cela, de la parole du prophète, ensemble, la ilahi, la ilahi, la ilaha, ou plutôt anta ilahi, la ilaha li ghayruk. On pourrait le définir en disant il n'y a point d'adoré véritable, je n'ai point d'adoré véritable hormis toi, ya Allah, ô toi, Allah. La marbouda haqqun li ghayruka, ya Allah. Et vous avez vu, donc, le prophète, lorsqu'on observe son invocation, on voit il a commencé en faisant les louanges d'Allah, en faisant les éloges d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète a fait allusion, comme on avait dit dans les précédentes allocutions, dans l'explication de cette invocation, il a fait allusion à la seigneurie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit, tu es certes le seigneur des cieux et de la terre. Il va faire allusion au fait qu'Allah, Jalla wa Ala, est la lumière des cieux et de la terre. Et à la fin, le prophète, sallam, il va conclure, regardez, avec le tawhid, l'unicité de l'uboudiyya, de l'ulouhiyya, de la divinité, de l'adoration. Donc ça, c'est une précision et c'est une observation qui était vraiment subtile et minutieuse de l'auteur du commentaire de Shalat Thaymin. Et ça, c'est vraiment à méditer. Qu'est-ce qu'on déduit? Là, il y a un enseignement très important à déduire. Le comportement. Ça, c'est une question importante à bien noter, à garder à l'esprit. Le comportement adopté lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Notre Seigneur, il ne faut pas l'invoquer de n'importe quelle manière. Il a une manière pour s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a une manière d'invoquer Allah. Et beaucoup ignorent cela. Donc, il y a un comportement à adopter lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, vous avez À travers l'invocation du prophète, vous avez en l'invocation du prophète un bel exemple, un exemple remarquable ici, de manière d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il faut prendre cela comme modèle. Il faut prendre cela comme modèle. Et c'est pour cela que vous allez trouver parfois certains épîtres rédigés par certains grands savants musulmans de la communauté. Certains grands savants ont rédigé sur ce domaine-là, le fait là, c'est-à-dire sur le comportement adopté lorsqu'on invoque Allah. Parfois, on trouve que les savants ont des conférences, ou bien ils ont des allocutions, ou bien dans leurs cours, ils ont des rappels sur ça. Donc, vous allez trouver aussi, comme j'ai dit précédemment, des écrits. Vous avez des écrits où les savants traitent ce domaine-là et ce sujet-là. La manière d'invoquer Allah, le comportement adopté. Pourquoi? Parce que sachez qu'il y a ce qu'on appelle Al-i'tida fi'd-du'a. C'est-à-dire, c'est ce qu'on nomme les transgressions, les choses défendues dans les invocations. Donc, il y a des comportements qu'il faut absolument éviter. Il y a des choses défendues dans la manière d'invoquer. Donc, lorsqu'on invoque Allah, Jalla wa'ala, il y a un comportement adopté. Donc, il y a des choses aussi, ce qu'on appelle Al-i'tida, qui rentrent dans le domaine des transgressions, dans l'invocation. Donc, il y a des comportements qu'il faut absolument éviter. Et donc, il faut s'écarter de certains comportements et de certaines paroles lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, c'est un domaine qu'il faut apprendre aussi. Et donc, on voit qu'à travers l'étude de l'invocation du prophète, en somme, il y a un comportement qui est immense dans la manière de s'adresser au Seigneur subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'on ne s'adresse pas à n'importe qui. On s'adresse au maître de l'univers. On s'adresse à celui qui détient le pouvoir absolu. On s'adresse au créateur de toutes choses. Et donc, c'est pour ça, lorsqu'on s'adresse à lui et lorsqu'on l'invoque, il faut adopter la meilleure des manières. Il faut l'invoquer de la meilleure des manières. C'est pour cela que parmi les enseignements aussi utiles à tirer de l'invocation du prophète, c'est le comportement. Et parmi les comportements qu'on apprend, que les savants enseignent, vous pouvez retrouver ça dans des épîtres, dans des écrits de certains savants, ils disent premièrement, lorsqu'on invoque Allah, le fait de d'abord lui faire des éloges, de faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, de lui faire des éloges. Ça fait partie du bon comportement adopté lorsqu'on l'invoque. Ensuite, prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de là ensuite, passer à la demande. Faire la demande. Ce que la personne, les requêtes qu'il a, les demandes qu'il a, ensuite il demande et il invoque. Vous avez vu, ça c'est une belle manière. Ça fait partie du comportement pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, premièrement, d'abord, de faire les louanges d'Allah, de faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal hamd. Oh, à toi, Allah, jalla wa ala, appartiennent toutes les louanges. Regardez, le prophète a d'abord loué Allah. Ensuite, il va dire, Rabbus samawati wal ard. Anta Rabbus samawati wal ard. Le prophète dit, tu es certes le Seigneur des cieux et de la terre. Regardez, le prophète même fait les éloges ensuite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, regardez par exemple dans ce qu'on appelle khutbat al-haja. Khutbat al-haja, lorsqu'on dit inna alhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Inna alhamdalillah, certes les louanges appartiennent à Allah. Nahmaduhu, nous le louons. Wa nasta'inuhu, et c'est à lui dont nous implorons l'aide. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh, et à lui dont nous implorons l'absolution de nos péchés, nous implorons le pardon. Vous avez vu d'abord, innal hamdalillah, certes les louanges appartiennent à Allah, nahmaduhu, nous le louons. Vous avez vu d'abord les louanges d'Allah. Et regardez, le prophète, si vous observez différentes invocations du prophète, le prophète avait l'habitude de faire l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala avant d'invoquer. Regardez par exemple dans de nombreuses dua, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn, par exemple dans ce dua qu'on dit le matin ou bien le soir. Regardez, le prophète Azam disait appelez Allah par ses plus beaux noms. On avait même dit que lorsqu'on a parlé de la question Ism al-Azam, le plus grand nom d'Allah, parmi les savants qui considèrent que parmi les noms d'Allah, les 99, il y a le nom le plus grand. Et beaucoup de savants, une grande partie de savants, considèrent Al-Hayyul Qayyum, le vivant, Al-Hayy, le vivant, ou Al-Qayyum, Al-Qayyum, on avait dit une traduction relative, celui qui subsiste par lui-même. Celui qui subsiste par lui-même, traduction relative, sinon ça a tout un sens, c'est celui qui régit cet univers, qui est garant de l'administration de cet univers. Al-Muhim, regardez, le prophète Sam dit « Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith. » Je cherche secours auprès Il implorait le secours d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en disant par ta miséricorde, ya Rabb, ô Seigneur. Et là, il implorait le secours d'Allah. Regardez, il disait, ô toi le vivant, al-hayyu al-qayyum. Donc, ça, vous pouvez l'observer dans de nombreuses invocations du prophète, en somme, sa manière d'invoquer Allah, Jalla wa ala. C'est pour cela qu'il est bon. Il est méritoire, parmi les bons comportements adoptés lorsqu'on invoque Allah, de lui faire les louanges et les éloges, et ensuite de prier sur le prophète en disant Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, par exemple, Allahumma salli wa sallim ala ashraf al-anbiya wa al-mursalin. D'abord de prier sur le prophète, ensuite de faire les demandes. Et ça me rappelle qu'il y a très longtemps, il y a des années de cela, un mashallah qui faisait peut-être partie des premiers, hein, des premiers en France à être sorti de l'université de Médine, hein, avoir été licencié de l'université de Médine, qui avait étudié, mashallah, qui était élève de grands mashayikh en Arabie. Et le frère, Jazallahu Khaira, ensuite qui était imam, je me rappelle, il y a de nombreuses années de cela. Donc, il dispensait les prêches du vendredi. Et je me rappelle qu'à l'époque, il enseignait un épître d'un savant, un écrit. Donc le vendredi, il enseignait un écrit, justement, qu'il traduisait d'un grand savant qui expliquait le comportement adopté pendant l'invocation, lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et le frère qu'Allah le récompense, qu'Allah le récompense, Shir, il expliquait cela et il traduisait. Et je me rappelle, c'est des enseignements, même de nombreuses années après, hein. De nombreuses années après, c'est des enseignements dont on se rappelle toujours, subhanallah. Regardez là, lorsque c'est des enseignements que on doit pratiquer chaque jour, regardez lorsque l'enseignement est bénéfique, parfois une personne, il va enseigner une chose, il va rappeler une chose, et peut-être que lui va pas voir cette chose, l'importance, par exemple, vraiment de cette chose, du fait que lui, il va oublier ce qui est peut-être parfois il a rappelé ou enseigné, mais les gens profitent de ce rappel. Et regardez, c'est bénéfique. C'est pour ça, si vous avez un rappel à faire, par exemple, vous êtes en famille, vous voulez faire un rappel à vos enfants, leur enseigner quelque chose, ou bien vous êtes avec des proches, ou bien vous êtes dans une assemblée ou autre, il est bon, par exemple, de traiter ce sujet-là, le comportement, celui qui a des compétences, qui peut enseigner, ou bien qui peut faire un rappel. Parfois, on est assis, la discussion traite de tout et de rien. Parfois, on est assis, donc on a des discussions, et parfois, on parle un peu de tout et de rien. Et bien, parfois, d'enseigner des choses, parfois de se faire un rappel avec des proches. Par exemple, ces rappels-là, le comportement adopté lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Ben, regardez l'imam, mashallah, depuis longtemps, de longues années, il avait traduit cet épître d'un grand savant concernant le comportement à adopter. Et ça a vraiment été bénéfique, puisque les gens qui avaient participé, qui étaient présents, ont vraiment profité de ce rappel-là. C'est pour cela, il faut se faire le rappel, ce rappel-là, qui est très important. Pourquoi? Parce que les personnes, lorsqu'ils invoquent, ils veulent que leurs invocations soient entendues d'Allah, Jalla, dans le sens d'entendu, exaucé. Exaucé. Et celui qui veut que ses invocations soient exaucées, alors il faut faire les causes. Il faut faire les causes pour l'exaucement de nos invocations. Parmi les causes, le bon comportement. Et donc aussi d'éviter ce qu'on appelle at-ta'addi, d'éviter toutes les choses qui font partie des sortes de transgressions dans l'invocation, les choses défendues. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont défendues et interdites dans l'invocation, des mauvais comportements qu'il ne faut pas adopté lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un sujet important. J'ai saisi l'occasion lorsque, du fait qu'on a fini l'explication de le dua de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé avec cette parole remarquable du prophète sallallahu alayhi wa sallam, immense, lorsqu'il fait allusion à l'unicité de la divinité de l'adoration, lorsqu'il dit anta ilahi, certes tu es mon adoré, la ilaha li ghayruk, et je n'ai point de divinité si ce n'est toi. Ensuite, l'imam al-Bukhari conclut le chapitre en disant: Haddathana Thabit ibn Muhammad, Haddathana Sufyan bihadha wa qala anta al-haq wa qawluka al-haq wa qawluka al-haq hadha ba'd qawli as-sa'atu haqqun wa anta al-haq wa qawluka al-haq. Ensuite, l'imam al-Bukhari dit: ensuite m'a rapporté Thabit ibn Muhammad d'après Sufyan bihadha wa qala, et certes tu es la vérité, Le prophète sallam ensuite aurait dit, tu es la vérité, ta parole est vérité. Après qu'il ait dit, l'heure est vérité, tu es la vérité, ta parole est vérité. Et de cette manière a conclu l'imam al-Bukhari. Donc on va terminer ce chapitre, hein, pour commencer à, inshallah, un nouveau chapitre. Donc toujours, on a vu là l'importance de l'invocation et du comportement. Surtout en période de Ramadan. En période de Ramadan, où le jeûneur a les invocations qui sont mustajab, qui sont exaucées. C'est pour ça que la question a été posée à Shirban Baz, rahimahullah, concernant la vocation du jeûneur, lorsqu'il rompt son jeûne. Donc Shirban Baz a dit qu'il était bon lorsque le jeûneur rompt son jeûne, qu'il était bon qu'il invoque. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a dua qui est mustajab. Il y a la dua qui est exaucée. Donc c'est un moment où il y a l'exaucement des invocations. Donc le jeûneur, lorsqu'il rompt son jeûne, alors c'est un moment il faut qu'il invoque Allah Jalla Wala, puisque c'est un moment propice pour l'exaucement des invocations. Mais aussi, il dit, même dans la journée, après la prière du dhuhr, après la prière du asr, dans la journée, le jeûneur, il ne faut pas qu'il se prive de cela, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le jeûneur, vous avez les invocations qui sont exaucées. On est dans un mois, comme on a dit, spécifique. C'est un mois qui est spécial. C'est le mois du pardon et c'est le mois aussi de l'exaucement des invocations. Donc, il faut invoquer Allah Jalla wa Ala. En l'occurrence aussi, c'est vrai, indal iftar, lorsqu'on rompt le jeûne, hein, lors de la rupture du jeûne, si vous voulez, il y a une invocation qui est exaucée. C'est pour ça qu'il est bon lorsqu'on est dans la rupture, lorsqu'on va rompre le jeûne, il est bon là d'invoquer Allah Jalla wa Ala. Pourquoi? Parce que il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith du prophète où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté qu'il est dit thalathatun la turaddu da'watuhum. Il y en a trois dont les invocations ne sont pas rejetées. C'est-à-dire, on comprend bien que les invocations sont acceptées et exaucées. Donc, le Nabi Sassam, il dit dans ce hadith, Thalathatun la turaddu da'watuhum. Trois dont l'invocation ne sera pas rejetée. Al-imam al-adil, un imam qui est juste, une personne qui a une autorité, qui est l'autorité et qui est juste. Et le jeûneur, lorsqu'il va rompre son jeûne, wa da'watul, et aussi la da'wa de l'opprimé, l'invocation de l'opprimé. Et le hadith, il a été authentifié par l'imam Al-Albani, rahimahullah. Donc parmi ces trois, vous avez vu le jeûneur lorsqu'il va rompre son jeûne. C'est pour cela que certains savants, lorsque ils ont été interrogés sur le moment lorsque le prophète a dit le jeûneur. Donc trois dont leur invocation n'est pas rejetée. Et parmi eux, le jeûneur. Le jeûneur lorsqu'il va rompre son jeûne. Quel est le sens de cela? Est-ce que c'est après qu'il est rompu ou bien avant? Certains savants considèrent que ça sous-entend les deux. Ah, juste avant l'iftar, avant de rompre le jeûne, et ensuite lorsqu'il a rompu son jeûne aussi. Lorsqu'il va rompre, et il a rompu son jeûne. Ça sous-entend les deux temps. Et ça, c'est la fatwa de Lajnat Da'ima. C'est la fatwa du comité, de la commission permanente des fatawas en Arabie, où les savants disent que le terme qu'a employé le prophète, c'est Indal Iftar, dans la langue arabe, Hina Yuftir, ça peut sous-entendre aussi bien juste avant qu'il rompe son jeûne comme après. C'est pour ça, lui-même, Cheikh Ibn Uthaymeen, a été interrogé sur cela. Le saïmu da'watul mustajaba 'inda fitri. Famata yakun mahal hadhihi ad-da'wa. Et lorsque Cheikh Ibn Uthaymeen a été interrogé, on l'a interrogé de cette manière. Ils ont dit, le jeûneur donc a une invocation qui est exaucée lorsqu'il va rompre son jeûne. À quel moment précis cette invocation doit être faite? Qabla al-fitr am fi athnay am ba'da? Est-ce que c'est juste avant qu'il rompe le jeûne, ou bien pendant qu'il va rompre le jeûne, ou bien après? هل من دعوات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من دعاء تشيرون به في مثل هذا الوقت؟ Ensuite, il interroge aussi, ils l'ont interrogé sur les doigts qu'on pourrait dire à ce moment-là. Alors, Cheikh Ibn Uthaymeen a répondu en disant, فأجاب الدعاء يكون قبل الإفطار عند الغروب. Et il dit que La doha, on peut le faire juste avant de rompre, lorsque le coucher va, lorsque le soleil va se coucher. لأنه يجتمع في حق انكسار النفس والظل لله عز وجل والظل لله عز وجل وأنه صائم وكل هذه من أسباب الإجابة وكل هذه من أسباب الإجابة. Il va expliquer pourquoi certains savants ont aimé le fait juste avant, hein, au coucher du soleil, juste avant qu'on va rompre le jeûne. Pourquoi? Parce que là, on va réunir entre l'état de jeûne, le fait qu'on est en jeûne. Donc là, la personne, il arrive à la fin de la journée, juste avant qu'il va rompre son jeûne. Donc il est dans une situation vraiment de besoin. Il est dans une situation d'humilité. Il est dans une situation particulière qui fait que là, il va réunir. Il va réunir tout cela. Et de ce fait, il y a les causes pour l'exaucement de l'invocation. Il y a les causes pour l'exaucement de l'invocation. Ensuite, il va dire « Amma ba'd al-fitr ». Ensuite, il va détailler la question que il y a dua après la rupture du jeûne. Lorsqu'on rompt le jeûne, il y a un dua qui est rapporté du prophète Hassam, lorsque le prophète Hassam disait ذهب الضمام وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وهذا لا يكون إلا بعد الفطر. Et ça, il dit ce dua là, on le dit après la rupture, lorsqu'on a rompu le jeûne. وكذلك ورد عن الصحابة عن بعض الصحابة. Il est rapporté aussi de certains compagnons, lorsqu'ils rompaient le jeûne, ils disaient اللهم لك صمت اللهم لك صمت وعن رزقك أفطرت أفطرت وعلى رزقك أفطرت. Certains compagnons, comme il a rapporté d'Abdallah ibn Omar, qui disait « Ô Seigneur, pour toi j'ai jeûné, Allahumma laka sumt, ô Seigneur, pour toi j'ai jeûné, et avec ta subsistance, je romps ce jeûne. » Et Cheikh Ibn Uthaymeen, pour conclure, en résumé, il dit « Fa'anta, dans toutes les manières, toi, il dit « invoque Allah avec l'invocation qui convient aussi. » L'invocation qu'il convient. Alladhi tara annaka muhtaj ilay. Une invocation dont tu as besoin. Une invocation que tu as besoin. Et il dit, et invoque Allah aussi bien juste avant la rupture du jeûne et lorsque tu rompes aussi le jeûne. Et lorsque tu rompes le jeûne. Donc vous avez vu, il est bon pendant cette période-là d'invoquer Allah Jalla wa Ala lorsqu'on rompt le jeûne, lorsque vous allez rompre ce jeûne, c'est-à-dire lors de la rupture. Alors il est bon d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous pouvez l'invoquer juste avant aussi. Juste avant aussi. Comme Cheikh Ibn Baz aussi, il dit toute la journée hein, du jeûneur, il est bon d'invoquer Allah, Jalla wa Ala. C'est des moments de toute manière, pendant que la personne il est en état de jeûne, qu'il invoque Allah, Jalla wa Ala. Mais ça, c'est des moments où il y a des récits. Des moments spéciaux et particuliers lors de la rupture. C'est ça le sens lors de la rupture. Donc lorsque vous rompez votre jeûne, vous pouvez invoquer Allah, Jalla wa Ala, avec des doigts qui sont rapportés, comme vous pouvez demander à Allah Jalla wa Ala des choses dont vous avez besoin. Ça peut se faire juste avant la rupture, comme on l'a dit précédemment, ou aussi lorsque après la rupture, après même qu'on ait commencé la rupture du jeûne, la rupture du jeûne. C'est pour cela que وَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ يَشْمَلْ مَا بَعْدَ الْفِطْرِ أَيْ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ. C'est pour ça que certains savants ont même dit que c'est pour cela qu'après avoir rompu le jeûne, on peut invoquer, puisque le sens du récit sous-entend aussi bien juste avant le fitr comme après et pendant. Comme après et pendant. لذلك قالت اللجنة الدائمة لما سُلت الدعاء يكون قبل الإفطار وبعده لأن كلمة عند تشمل الحالتين تشمل الحالتين. C'est pour ça que, comme on a dit précédemment, اللجنة الدائمة, ils voient qu'on peut faire juste avant le fitr. Et après, pourquoi? Parce qu'ils disent « Inda » dans la langue arabe, hein, lors de la rupture, ça englobe les deux, avant et juste après. Voilà en ce qui concerne la question de l'invocation. Pour ça, c'est un grand bienfait, il faut se faire le rappel avec cela. Que la personne ait la santé, que la personne, Allah Jalla wa Ala, lui a donné l'iman, lui a octroyé la foi dans son cœur, il l'a comblé de ce bienfait et il fait partie des jeûneurs. C'est un bienfait, c'est une grâce qui est inestimable. Il y a pas de mots pour expliquer ça. Il y a pas de mots pour vraiment illustrer le mérite des jeûneurs. C'est vraiment un grand bien, c'est un honneur qu'Allah Jalla wa Ala ait donné à cette personne. Regardez avant qu'on passe au chapitre suivant. Hier, j'ai fait allusion à un hadith. Il y a tellement de précisions que certains savants ont données. Hier, on n'a pas eu le temps d'apporter certaines précisions que certains savants ont données par rapport à ce hadith. Je vais faire en quelques minutes. Regardez ce hadith par lequel on a conclu l'allocution hier. Lorsqu'il nous a rapporté que le prophète, lorsqu'il voulait donner un sermon, il allait sermonner ses compagnons. Donc, il est monté sur sa chair. Il est monté à l'al-minbar. Fasa'ad al-minbar. Le Nabi s'en est dit dans le récit qu'il est monté sur le minbar. Et là, le prophète, il est rapporté dans un énoncé qu'à chaque fois qu'il montait une marche, alors il disait Amin. Il disait Amin. Alors il est dit, il montait la première marche, il a dit Amin. Il montait la deuxième marche, il a dit Amin. Ensuite, lorsqu'il arrive à la troisième marche, il a dit Amin. Et là, les compagnons observaient. Et de là, les savants, ils ont dit que cette manière-là, subhanallah, il y a quelque chose à comprendre ici. Il y a une précision à comprendre. C'est qu'il y a une portée d'attention. Cela a été fait pour que les compagnons, soient attentifs. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était quelque chose d'étrange. Imaginez-vous, les compagnons étaient assis. Ils voyaient, ils observaient le prophète monter sur le minbar. Et le prophète disait Amin. Et c'était étrange pour les compagnons. Et regardez le comportement, l'éthique des compagnons. Ils sont restés silencieux. Ils ont attendu. C'est plus tard qu'ils vont interroger le prophète. Et ça dénote vraiment le désir des compagnons d'apprendre du prophète et de comprendre les choses. C'est pour ça qu'ensuite, ils vont interroger le prophète au sujet de son Amin, au sujet du fait qu'il disait Amin. C'est pour ça que certains savants, ils ont dit, si Allah Jalla Wala a fait que cela s'est produit de la sorte, c'était vraiment pour qu'il y ait une portée d'attention. Et ce n'est pas rien ce qui va se produire. C'est que Jibril est venu au prophète, et Jibril a fait trois invocations. Ce n'est pas rien. Trois invocations. Et comme on avait dit, il est rapporté dans le récit que Jibril a dit au prophète, que celui qui atteint le mois du Ramadan et se voit pas pardonner pendant ce mois et qu'il rentre en enfer alors qu'il soit éloigné d'Allah. Ensuite, Jibril a fait allusion à celui qui est ingrat vers les parents, que celui qui est vivant alors que ses parents sont vivants et se voit rentrer en enfer alors qu'il soit éloigné d'Allah. Et que celui qui, dont ton nom, c'est-à-dire le nom du prophète est évoqué et qui ne prie pas sur toi, qu'il soit éloigné d'Allah. Et à chaque fois que Jibril disait qu'il soit éloigné d'Allah, vous avez vu trois choses que Jibril a mentionné. Et à chaque fois que Jibril disait qu'il soit éloigné d'Allah, Jibril, alayhi salam, il disait au prophète, dis Amin. Et le prophète, alayhi salam, disait Amin. Donc regardez, la première qui a été mentionnée, Jibril dit au prophète, alayhi salam, que celui qui atteint le mois du Ramadan et qui n'est pas pardonné, alors qu'il soit éloigné d'Allah. Et ça, les savants ont observé. Et il y a une très belle précision, une très belle faïda qui a été donnée par un cheikh qui disait, dans l'explication de ce hadith, il disait qu'il n'est pas possible que l'ange Jibril invoque comme ça, de lui-même. C'est-à-dire que certains savants ont dit que cela vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Puisqu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les choses qu'on sait, le prophète Sansam faisait partie des êtres les plus compatissants. Le prophète Sansam était clément. Le prophète Sansam voulait le bien pour les gens. Le prophète avait un profond souci pour les gens. Donc le prophète voulait du bien pour les croyants, pour les croyantes et pour les gens dans la globalité, dans la totalité. Le prophète Sansam n'espérait que le bien pour les gens. Le prophète était une miséricorde pour l'humanité. Et donc le fait que le prophète Sansam était compatissant, le fait que le prophète Sansam dit Amin, alors il faut se pencher sur cela. Et c'est pour ça qu'un savant a fait une très belle précision en disant que le prophète ou bien Jibril ne pouvait pas maudire ou invoquer contre une catégorie de gens sans que cela provienne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en l'occurrence, Jibril, lui, est celui qui transmettait la révélation. Jibril était l'intermédiaire entre Allah et les prophètes et les envoyés. Donc la fonction de Jibril, alayhi salam, c'était de transmettre la révélation. C'est pour ça que certains savants ont dit que lorsque Jibril a invoqué contre ces trois catégories de gens, cela provenait d'Allah en réalité. Et cela était l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous, c'était un commandement et un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait que dire Amin. Donc cela provient d'Allah, cette invocation. Et en plus, donc celui qui invoque, en disant qu'il soit éloigné, c'est-à-dire, regardez, le premier qui est mentionné, celui qui atteint le mois du Ramadan et qui n'est pas pardonné, Alors qu'il soit éloigné d'Allah, imaginez-vous, c'est Jibril qui fait donc l'invocation, et celui qui dit Amin, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette invocation ne peut être que exaucée. Cette invocation, elle ne peut pas être rejetée. Cette invocation ne peut être que exaucée. Donc regardez le malheur, regardez le malheur et la perdition de celui qui est touché par cette invocation. Celui qui va atteindre le mois du Ramadan, qui va vivre pendant le mois du Ramadan et se voit pas pardonner pendant ce mois. Imaginez-vous celui qui est atteint par cette invocation. Imaginez-vous celui qui est touché par cette invocation. Qui est-ce qui fait l'invocation? C'est Jibril, alayhi salam. Qui est-ce qui dit Amin? C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est cette catégorie? Contre qui? Contre ceux qui sont vivants, qui sont présents, qui atteignent le mois du Ramadan. Ils vont atteindre le mois du Ramadan et ils ne vont pas être pardonnés pendant ce mois. Qu'ils soient éloignés d'Allah. Jibril disait Abadahu Allah. Dans le hadith en arabe, il est dit Abadahu Allah, c'est-à-dire qu'il soit éloigné d'Allah. Et certains savants l'ont expliqué, c'est-à-dire que celui qui est éloigné d'Allah, c'est-à-dire il sera éloigné de sa miséricorde. Il sera éloigné de la miséricorde d'Allah, de l'agrément d'Allah, de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, le jour de la rétribution, il y aura deux choses, soit le paradis, soit l'enfer. Donc la destination, c'est soit vers l'enfer, soit vers le paradis. Donc celui qui n'a pas la miséricorde d'Allah, celui qui n'a pas été touché par la miséricorde d'Allah, celui qui n'a pas été touché par l'agrément et la satisfaction d'Allah, donc lui vivra la perdition. Ça sera l'échec total. C'est pour cela que ce hadith, c'est un hadith qui est immense, qu'il faut vraiment réfléchir et méditer sur ce hadith, le fait que cette personne sera éloignée. Et cela est inéluctable. Pourquoi? Parce que c'est Jibril, l'ange rapproché d'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'ange les plus rapprochés d'Allah, qui fait l'invocation. Et c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'élu, le meilleur des hommes, qui dit Amin, qui dit Amin. Et à savoir aussi, parce que le jeûne du Ramadan, c'est un pilier de l'islam. C'est un mois, comme on a dit, spécial et spécifique. C'est un mois où les portes du paradis sont ouvertes. C'est un mois où les portes de l'enfer se referment. C'est un mois où les démons sont enchaînés. Il n'y a qu'en ce mois dans l'année où les démons sont enchaînés. Tous les autres mois de l'année, les démons sont déchaînés. Et c'est pendant le mois du Ramadan que les démons sont enchaînés. Et ça, c'est quelque chose à méditer. Et c'est pour cela aussi que ce mois, c'est un mois particulier. C'est un mois vraiment qu'il y a des gens qui seront affranchis de l'enfer. Les gens se voient pardonner. C'est le mois du pardon, qu'Allah Jalla wa Ala pardonne. Et pour cela, celui qui se voit pas pardonner, alors qu'il atteint le mois du Ramadan, il n'est pas pardonné. Alors Jibril a fait l'invocation, Abadahu Allah, qu'il soit éloigné d'Allah. Et le prophète sallam a dit Amin. Le prophète sallam a dit Amin. C'est pour ça qu'on avait évoqué un autre énoncé du récit lorsque le prophète sallam il est rapporté aussi dans un autre énoncé où qu'il a dit Rahima anfumri'in, que soit rabaissé. Et dans les traductions, on avait dit du sens que soit rabaissé, c'est-à-dire que celui qui atteint le mois du Ramadan et qui n'est pas pardonné, qu'il soit rabaissé dans le sens khaba ou khasira, il a perdu. C'est vraiment l'échec. Et on avait dit que le sens de rahima anfumri'in ou rahima anfurajulin, que le nez soit en contact avec la terre, c'est-à-dire c'est comme une personne, sa tête est vautrée sur la poussière du sol, sur la terre du sol. Imaginez-vous une personne dont la tête est sur le sol et le nez plein de terre, ce qui dénote ici une sorte d'humiliation, une sorte de rabaissement. Et de ce fait, celui qui, par exemple, dans cette vie d'ici-bas, a atteint le mois du Ramadan, il n'a pas été pardonné, c'est un rabaissement. Khaba wa khasira. Pour ça, beaucoup de savants ont dit dans le sens de, il a perdu. C'est l'échec total. La deuxième chose qu'a évoqué Jibril alayhi salam, celui qui était ingrat envers ses parents, celui qui était vivant, qui avait des parents qui étaient vivants, et il rentre en enfer, alors qu'il soit éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est un rabaissement de ne pas avoir été bienveillant et bienfaisant envers ses parents. Donc celui qui était malfaisant, qui n'a pas été bienveillant, qui n'a pas été reconnaissant, qui n'a pas servi ses parents ici-bas, c'est un rabaissement. Et il va connaître l'échec. Il va connaître l'échec. De même aussi, la troisième chose qu'a évoqué Jibril, c'est qu'il a évoqué celui dont le nom du prophète est évoqué Alors que le prophète, tu as évoqué, il ne prie pas sur le prophète. Il ne dit pas alayhi salat wa salam, ou il ne dit pas sallallahu alayhi wa salam. Alors lui aussi, c'est un rabaissement et il va connaître la perdition. Et vous avez vu, et certains savants ont dit dans cet énoncé, donc, les choses à méditer. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte que Jibril a fait devancer d'abord sur ces trois choses-là, avant même le droit des parents. Regardez, le mois du Ramadan. Regardez le mois du Ramadan, le jeûne du Ramadan. Celui qui se voit jeûner le mois du Ramadan, ou plutôt celui qui atteint, pardon, qui atteint le mois du Ramadan, se voit ne pas être pardonné, alors il a tout perdu. Alors il sera éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est l'invocation, comme on a dit, de Jibril alayhi as-salam. Et de ce fait, on a une bonne nouvelle aussi. On a une bouchra pour les croyants. On a une bonne nouvelle du fait que on pourrait comprendre cette perdition et cet échec. Cette personne vraiment va connaître le rabaissement. Cette personne sera éloignée d'Allah. Pourquoi? Parce qu'on pourrait comprendre ici que le Ramadan, c'est tellement le mois du pardon, c'est tellement un mois où les gens se font pardonner leurs fautes et leurs péchés, et qu'il est aisé de se faire pardonner, que celui qui ne se fait pas pardonner, c'est vraiment, il a raté, mais vraiment quelque chose d'immense. Il a vraiment raté cette porte qu'Allah Jalla lui a ouverte. Et donc, on pourrait comprendre de ce récit que le Ramadan, c'est tellement le mois du pardon. Et ça, c'est la bonne nouvelle qu'on doit accueillir. Le mois du Ramadan, c'est vraiment le mois du pardon, qu'il est vraiment difficile de ne pas se faire pardonner. Et que celui qui ne se fait pas pardonner pendant ce mois, alors c'est vraiment le perdant. C'est vraiment le perdant. Et Jibril a fait l'invocation qu'il soit éloigné d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tellement on pourrait comprendre ici que ce mois, c'est tellement le mois du pardon. Donc en réalité, il serait difficile de ne pas se faire pardonner. Et donc là, on a vraiment une immense nouvelle, le fait que ce mois, c'est le mois du pardon. C'est pour ça qu'il faut multiplier la demande de pardon des fautes. La demande de pardon des fautes et des péchés. Et c'est vraiment le mois du pardon. Un chir, un savant a même expliqué ça en disant, regardez, ce mois, c'est comme une porte de pardon qui nous est ouverte. C'est vraiment un grand bien. Et c'est comme si une personne, il va rentrer par une porte, il va ressortir par une autre porte. De la même manière. De la même manière qu'il est rentré, il va y sortir. Sans qu'il gagne rien de ce mois, de cette occasion, de cette opportunité qu'il a. Il est rentré, il y a un grand mois. Un mois spécial, le mois du pardon, et lui il rentre par une porte, il va ressortir par une porte comme il est rentré. Et ni il n'a cherché à être pardonné, ni il n'a convoité ce pardon-là, ni il n'a fait les causes pour être pardonné. Il dit, c'est ça, c'est cette personne-là, cette personne-là. Donc regardez, je voulais qu'on se rappelle certaines précisions qu'ont données certains savants concernant ce hadith. C'est un hadith qui est immense. Donc c'est un grand bien, vous avez vu? Donc celui qui atteint le mois du Ramadan ne se fait pas pardonner, Jibril al-Salam a invoqué contre cette personne. C'est pour ça nous incite vraiment à faire les causes pour convoiter, désirer ce pardon-là et implorer Allah Jalla qu'il nous pardonne nos péchés. Et comme j'ai dit précédemment, on a une bonne nouvelle aussi que c'est vraiment, ça nous dénote vraiment qu'on est dans le mois, vraiment, c'est le mois du pardon. Donc il faut multiplier et là, il faut être endurant dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une opportunité. Vous avez vu? Il faut comprendre cela comme ce mois est une opportunité, c'est une occasion pour gagner justement le pardon de nos fautes, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sujet est plus long, mais moi j'ai insisté sur ça, je résume, mais le sujet est plus long. J'ai insisté sur ce point vu le contexte. On est dans la période de Ramadan et dans cette période de confinement, si la personne il a la santé, il a l'occasion de jeûner, il a Allah Jalla lui a donné sa subsistance pour rompre son jeûne et il est en famille. En réalité, il faut réfléchir, la personne est dans une ni'ma, il est dans un bienfait qui est inestimable. Donc saisissez ces opportunités-là d'avoir la santé, d'être chez vous, de pouvoir jeûner pour ceux qui ont la capacité. Ceux qui n'ont pas la capacité, par exemple, pour les personnes qui ont atteint un âge avancé, les personnes qui sont en vieillesse ou les personnes malades de maladies incurables, par exemple, qui ne peuvent pas jeûner, eux, ils ont la compensation, Inch'Allah. Ils ont la compensation et chacun a sa récompense. Chacun a ses récompenses. Mais tout le monde peut invoquer Allah, ce printemps-là. Que la personne il ait une dérogation de jeûne ou non, chacun peut invoquer Allah. Il faut invoquer Allah en ce mois. C'est un mois béni et donc il faut saisir l'opportunité et l'occasion. Nous, sans plus attendre, on va commencer sur l'étude d'un nouveau chapitre pour continuer cette étude et l'explication du livre de l'unicité. قال باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا وكان الله سميعا بصيرا. Et l'imam Bukhari ensuite rédige un nouveau chapitre. Il dit chapitre concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah est certes Samir Basir. Donc je vous l'ai dit en arabe puisqu'on va expliquer le sens de ces deux noms puisque ici l'imam al-Bukhari va faire référence et allusion à deux noms parmi les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait référence au nom As-Samir ou Al-Basir. Pourquoi ? Parce qu'en guise d'intitulé à ce chapitre, il va mentionner le verset 134 de la sourate Les Femmes. An-Nisa, lorsqu'Allah dit qu'il est « وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا » Et donc, Allah Jalla wa'ala nous fait part qu'il est, nous enseigne qu'il est « As-Samir ». « As-Samir », c'est celui qui entend tout. Mais on va mieux comprendre dans l'explication avec ce chapitre. Et « Basir », « Al-Basir », c'est, on pourrait traduire de manière littérale, le clairvoyant. Celui qui voit tout, subhanahu wa ta'ala. Et vous allez voir, après l'explication de ce chapitre et de ce verset, que souvent ces deux noms sont liés. As-Samir ou Al-Basir. Donc l'imam al-Bukhari fait premièrement référence à ce verset, le verset 134 de Surat al-Nisa, en guise d'intitulé à ce chapitre. Ensuite, il va dire « وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله القول التي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الشرح. Donc ensuite l'imam al-Bukhari va mentionner qu'ensuite d'après al-Armash, d'après Tamim, d'après Urwa, d'après Aisha radiallahu ta'ala anha, la mère des croyants, que le messager d'Allah sallallahu alayhi, ou plutôt, elle a dit, louange Allah, celui dont son audience embrasse tout, Allah jalla wa'ala entend tout. Donc elle va faire les éloges d'Allah, subhanallah, le fait qu'Allah jalla wa'ala entend, et celui qui entend tout. Et ensuite, elle va dire fa anzala Allah ta'ala 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, va faire référence à cet épisode, à cet événement lorsque Allah jalla wa ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le verset de la sourate Al-Mujadala, les versets de la sourate Al-Mujadala, lorsqu'Allah jalla wa ala a dit qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha وَتَشْتَكِ إِلَى اللَّهِ. Et ça, on va l'expliquer, le verset, avec la cause de la révélation de ce verset. Dans un premier temps, l'auteur du commentaire, Cheikh Ibn Uthaymeen, va nous expliquer d'abord le verset. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Et Allah est certes celui qui est l'audient, une traduction relative, il est l'audient, le clairvoyant. Cheikh Ibn Uthaymeen, dans le commentaire, nous dit هَذَانِ إِسْمَانِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى أَسْمِعُ وَالْبَصِيرُ. Donc là, on a deux noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a premièrement As-Samir et on a Al-Basir. Donc ce sont deux noms parmi les noms sublimes et magnifiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et souvent, si vous observez le Coran, il nous dit وَيَقْرِنُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى بَيْنَهُمَا كَثِيرًا لِأَنَّ السَّمْعَ إِدْرَاكَ الْأَصْوَاتِ وَبِالْبَصَرِ إِدْرَاكَ الْأَفْعَالِ فَالْأَقْوَالُ مُتَعَلِّقُهَا السَّمْعُ وَالْأَفْعَالُ مُتَعَلِّقُهَا فالأقوال متعلقها السمع والأفعال متعلقها البصر ولهذا يقرن الله عز وجل بينهما كثيرا في كتابه والسميع من أسماء الله تعالى وله معنيان المعنى الأول إدراك المسموع والثاني استجابة المسموع. Donc l'auteur du commentaire, Cheikh Ibn Uthaymeen, nous dit souvent, si vous observez le Coran, et là c'est une période de lecture du Coran, de méditation des versets, vous allez observer que si vous contemplez bien, vous allez observer qu'Allah Jalla wa Ala, souvent, donc, il mentionne ces deux noms conjointement. C'est-à-dire, souvent, ces deux noms sont mentionnés ensemble, sont évoqués ensemble. As-Samir wa al-Basir. Et pourquoi ? Il dit pourquoi ? Il dit « Anna as-sam'a bis-sam'i idrak al-aswat » Parce que avec as-sam', l'audience, c'est comme cela que on entend ce qu'il se dit. Et avec la clairvoyance, on prend connaissance de ce qui se fait. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen va nous dire que les paroles sont reliées à l'audience, à ce qu'on entend. Elles sont entendues. Pour cela, avec l'audience, on entend toutes les paroles, tout ce qui se profère, tout ce qui se dit, on entend, et les actions sont liées à la clairvoyance. C'est-à-dire, avec la clairvoyance, on peut voir ici les actions, tout ce qui est fait, toutes les œuvres, tout ce qui est fait, on peut voir. Donc, c'est pour cela qu'il dit que souvent, le nom, l'audient, le clairvoyant, l'audient, c'est celui qui entend tout, qui a l'audient infini, qui entend tout, rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Et la clairvoyance, c'est celui qui voit tout. C'est celui qui a sifat al-basar. Sifat al-basar, on traduit de manière littérale la clairvoyance, c'est le fait de tout voir. Rien n'échappe à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, l'audience est liée à ce qui est entendu. Et la clairvoyance est liée aux actions qu'on peut voir. Wassamir, c'est pour cela que ensuite l'auteur du commentaire va d'abord expliquer le nom Assamir. Donc Assamir, c'est comme ça qu'on dit en arabe, ce nom-là on dit Assamir, c'est celui qui entend tout, celui qui entend tout. Et ça fait partie, comme on a dit précédemment, des noms sublimes d'Allah. Et là, l'auteur va faire allusion à deux sens, à ces deux sens. Al-ma'na al-awwal, le premier sens, c'est le fait d'entendre tout ce qui se dit. Idrak al-masmu', tout ce qui peut être entendu, si vous voulez. Tout ce qui peut être entendu. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Allah, Jalla wa ala, est celui qui entend tout, subhanahu wa ta'ala. Idrak al-masmu'. Al-masmu', c'est vraiment tout ce qui peut être entendu. Tout ce qui est entendu, Allah, Jalla wa ala, à ce qu'on appelle al-idrak. Idrak al-masmu'. Donc le premier sens, c'est idrak al-masmu'. Allah, Jalla wa ala, entend tout ce qui est dit. Le deuxième sens, lorsqu'on dit qu'Allah est celui qui entend tout, c'est dans le sens, c'est istijabat. Allah exauce et répond. Il répond. C'est pour cela que le nom As-Samir aussi, le fait qu'Allah entende tout, ça sous-entend qu'Allah aussi est celui qui répond aux demandes et celui qui exauce les demandes de ses serviteurs. En l'occurrence, dans le verset qu'on va étudier ensuite, le premier verset de Sourate Al-Mujadala, lorsqu'il est dit « قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَمِنَ الثَّانِي قَوْلُهُ تَعَالَ عَنْ إِبْرَاهِمْ إِنَّ رَبِّي لَسَمِعُ الدُّعَاءَ » Et donc on a le premier verset, « Certes Allah a entendu la parole de celle qui est venue à toi, وَتُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا » Dans le verset qu'on va étudier, dans ce qui va venir prochainement, l'imam al-Bukhari a fait allusion à ce hadith où Aïcha a mentionné la descente, la révélation et la cause de la révélation du verset lorsqu'Allah dit « Certes, Allah a entendu la parole de celle qui est venue, tujadiluka, qui est venue débattre au sujet de son Seigneur, une traduction relative, au sujet, pardon, de son mari, au sujet de son époux. « قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا » Donc Allah a entendu la parole de cette femme, et on va voir, c'est une femme qui est venue au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de son mari. Donc elle va parler au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concernant quelque chose lié à son mari, comme on va voir dans ce qui va suivre lorsqu'on va parler de la cause de la révélation de ce verset. Et on a un autre verset dans... Au sujet de Ibrahim, le prophète Ibrahim, lorsqu'il dit Inna Rabbi la Sami'u Dua, certes, mon Seigneur est celui qui entend les invocations. Dans le premier verset dans Sourate Al-Mujadala, qu'on vient de mentionner, l'écoute lorsqu'Allah dit Qad Sami'a Allah, Allah a entendu. Là, c'est Allah a entendu dans le sens qu'Allah a entendu ce qui s'est dit. Ce que cette femme a dit au prophète, Allah l'a entendu. Et dans le deuxième verset qu'on a évoqué, au sujet de Ibrahim, le prophète, lorsqu'il dit « Certes, mon Seigneur est celui qui entend les invocations », c'est dans le sens, c'est celui qui répond, qui exauce les demandes. Donc, vous avez vu, ça, c'est deux sens à prendre bien en considération. Et là, l'auteur du commentaire a mentionné ces deux versets pour illustrer ce qu'il a dit, pour détailler vraiment les deux sens de l'écoute, l'entente. Lorsqu'Allah, on dit qu'il est celui qui entend, ça sous-entend qu'Allah entend tout ce qui se dit, mais ça sous-entend, c'est-à-dire que rien ne lui échappe, hein. Parmi nos paroles, rien ne lui échappe. Tout ce qui se dit, Allah, Jalla wa'ala, on a la connaissance. Mais aussi, et Allah l'entend. Mais aussi, c'est dans le sens, lorsqu'on dit qu'Allah est celui qui entend, c'est dans le sens qu'Allah est celui qui répond aux invocations. Pourquoi? Parce qu'on a des versets où il est dit, wa sami'u ad-du'a, sami'u ad-du'a. Dans une traduction littérale, on dira, il est celui qui entend l'invocation. Donc, si on traduit le verset d'une manière littérale, littéralement, on dira Allah est celui qui entend la vocation. Mais les grands savants de l'islam nous expliquent dans l'exégèse hein, du verset, de ces versets, ils disent c'est dans le sens qu'Allah est celui qui entend la vocation, dans le sens Allah est celui qui répond et exauce la demande, et celui qui répond à la demande. Et ce n'est pas seulement Allah entend la demande. Ce n'est pas seulement ça qui est sous-entendu, mais c'est qu'Allah entend la demande et répond à la demande. Et répond à la demande. Taïb. Dans ce verset, ensuite, qui va évoquer Aïcha, comme on va le voir, alors, la cause de la descente de ce verset, il est rapporté, c'est une femme. C'est une femme qui est venue au prophète, sallam. Donc, c'est une femme qui était âgée. C'était une femme âgée qui est venue au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que son mari lui avait prononcé une parole, et pas n'importe quelle parole. Son mari, alors que c'était des personnes âgées, et cette sourate, c'est une sourate qu'on dit médinoise. La majorité des savants considèrent qu'elle est médinoise. Pourquoi je dis la majorité? Puisqu'il est rapporté, il y a un avis d'un salaf qui disait qu'il y a certains versets de la sourate qui ont été descendus à la période mécoise. La période mécoise. Mais la majorité des savants sont d'accord hein, et s'accordent pour dire que toute la sourate est médinoise. Et cela s'est produit à Médine. Pourquoi? Parce que comme on le verra plus en détail dans la prochaine allocution, l'homme sous-entendu ici, c'était un médinois parmi les Ansar, parmi les auxiliaires, parmi les Ansar. Du fait que la femme qui est venue au prophète, lorsque vous révisez le tafsir, dans le tafsir, que ce soit dans Ibn Kathir ou bien dans Al-Barawi ou d'autres tafsirs, ils disent que la femme, elle s'appelait Khawla. Donc la femme, c'était Khawla, bint Tha'lab, bint Tha'lab, celle qui est venue au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, elle s'est plainte de son mari, de son époux, alors qu'ils avaient un âge avancé. Et son époux lui avait prononcé une parole, pas n'importe quelle parole. Il lui a dit, tu m'es interdite. Comme ma mère m'est interdite. Et ça, c'est ce qu'on appelait à l'époque Zihar. Comme maintenant, c'est ce qu'on appelle Zihar. Et ça, c'était connu à l'époque pré-islamique chez les Arabes. Chez les Arabes, ça faisait partie l'une des manières pour répudier leurs femmes. Pour répudier leurs femmes. Et donc, lorsqu'une personne disait à son épouse, tu es interdite comme ma mère m'est interdite, ça sous-entendait le divorce. Et c'était un divorce qui était définitif. Hein. C'était un divorce qui était irrévocable. Donc, là, cet homme avait dit cela à sa femme. Et l'homme, il est rapporté dans le tafsir aussi que c'était Aws ibn Samit. Ibn Samit. Aws ibn Samit. Ibn Samit. Et lorsqu'il a dit cela à sa femme, donc, de ce fait, il l'a répudié. Et donc, elle s'en alla vers le prophète, sallam, faire part de cela au prophète, sallam. Et elle était dans une adversité, elle était dans une détresse. Dans une détresse, et même Aïcha était présente. Aïcha était présente, elle était, il est dit dans le tafsir, qu'elle était dans le récit, qu'elle était dans une partie de la pièce, et donc elle entendait. Et donc cette femme était venue vers le prophète sans même en détresse, et donc elle lui a fait part de cette parole, de ce que lui avait dit son époux. Et comme on a dit à l'époque des Arabes, à l'époque, ça sous-entendait vraiment la répudiation et le divorce. Elle était tellement en détresse, elle était dans un âge avancé, et donc elle dit au prophète, elle essaie de trouver, elle essaie de trouver une sorte d'issue à cela. C'est pour ça qu'elle est partie voir le prophète, pour trouver une issue à ce malheur. Pour elle, c'était la détresse. Et lorsqu'elle fit part de cela au prophète, le prophète il dit dans l'histoire, dans le tafsir, il lui dit, je ne vois rien d'autre que le fait que tu es interdite pour lui. Je ne vois rien d'autre que le fait que tu sois interdite à lui. Et là, elle va tellement être dans la détresse qu'elle va insister. Il même dit dans le tafsir qu'elle va tellement insister, elle ne va pas sortir jusqu'à ce qu'ensuite le prophète va recevoir la révélation. Elle va recevoir la révélation et donc la descente de ce verset, la descente du verset dont Allah Jalla dit, certes, Allah a entendu la parole de cette femme qui débat avec toi au sujet de son mari, au sujet de son mari. Donc c'est le premier verset de sourate Al-Mujadala. Donc le prophète sallam va recevoir ensuite les versets de sourate Al-Mujadala. Donc on va continuer, Inch'Allah, dans la prochaine allocution sur les détails de cette histoire et bien comprendre sur le tafsir et l'explication de ce verset, qu'a mentionné ici l'imam al-Bukhari dans son chapitre à partir de l'histoire de Aïcha. Wallahu a'lam, wa billahi tawfiq, fa nasallaha al-afiyata wa salama. يمقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. Et juste avant que j'oublie, avant que j'oublie, donc tous les membres de la mosquée remercient tous ceux qui ont participé pour la collecte, pour les colis, pour les familles, pour les repas qui sont distribués aux familles. Donc la mosquée remercie tous ceux qui ont participé et elle sollicite encore les efforts de chacun. On sollicite encore tous ceux, les frères ou les sœurs qui peuvent participer à cela, à cette collecte pour que les frères puissent acheter des denrées alimentaires. Ensuite, ces denrées alimentaires sont distribuées à des familles qui sont dans le besoin. Donc beaucoup, walillah alhamd, ont participé à cela, car la récompense tout le monde, tous ceux qui ont participé, et ceux qui n'ont pas pu participer par rapport à leurs conditions financières, au moins pour leurs invocations, d'invoquer pour ces familles qui sont dans le besoin, et tous ceux qui peuvent vraiment fournir encore, qui peuvent vraiment aider encore. Les membres de la mosquée sollicitent toujours la générosité des frères et des sœurs, du fait qu'à l'heure actuelle, la mosquée concrètement, la mosquée a une quarantaine de familles. Donc la mosquée concrètement, elle a une quarantaine de familles. Donc ce sont des familles qui sont à proximité, hein, qui sont à proximité de la mosquée, c'est-à-dire dans les villes environnantes, c'est Maison Alfort et Alfortville. Donc c'est des familles qui habitent à Maison Alfort et à Alfortville aussi, plus le foyer. Il y a le foyer aussi qui est pas trop loin de la mosquée, qui est à proximité de la mosquée. Donc c'est pour cela que les frères, avec cet argent-là, achètent des denrées alimentaires. Et ensuite, ils font des colis et les distribuent à ces familles qui sont dans le besoin. Donc, comme on l'a dit précédemment, il y a une quarantaine de familles, hein, qui sont dans le besoin. Et il y a aussi le foyer. Il y a le foyer qui est pas loin, qui se trouve pas loin de la mosquée. Donc, les frères, dans un premier temps, comme on l'a dit, ils font l'achat de ces denrées. Et ensuite, ils s'organisent pour faire la redistribution. La redistribution des denrées en faisant des colis. Et ils distribuent cela à des familles pour qu'ils puissent avoir au moins le nécessaire. Le nécessaire pour pouvoir s'alimenter, pour pouvoir se nourrir, surtout en ce mois du Ramadan. Donc tous ceux qui peuvent participer à cela, qu'Allah vraiment les récompense, qu'Allah les récompense, et ceux qui ne peuvent pas participer, au moins avec des invocations pour tous ceux qui sont dans le besoin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.